Divers pays ont rapporté les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. L'agence de presse cubaine Prensa Latina, l'agence de presse syrienne Sana, la télévision presse et la radio False Today de l'Iran, les télévisions de Mongolie et du Népal, le journal indonésien Compass, le journal d'internet algérien Al-Bilad, le journal libanais Naharnet News Desk, l'agence de presse de l'Angola, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, l'ATS et le journal suisse Tribune de Genève, le journal d'internet français Les Échos, le journal américain New York Times et les homepages d'internet du comité brésilien pour le souvenir du dirigeant Kim Jong-il, du comité national d'études des études du Congo démocratique et de l'association d'amitié Pectusan Tchèque-Corée, on fait part que le maréchal Kim Jong-un a dirigé sur place le lancement expérimental de la fusée balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol façon 10. Le homepage d'internet russe irkutskblogspot.ru a inséré sa visite à la filature Kim Jong-suk de Pyongyang. Les mass-médias ont présenté les photos du maréchal coréen.